Bonjour ma chérie. Bonjour, c'est toi qui me devances aujourd'hui. Ah, tu vois. Quelle heure j'ai? 11h27. Ah ouais, je... c'est bien, c'est pile poil. Ça va? Voilà, comment vas-tu? Bah bien, ça va, ça va, ça va. Ça va? Je ne travaille pas aujourd'hui, donc... Ah, bah voilà. Voilà, un bon moment. Avant 2 jours de télématin, je... voilà. Ah, 2 jours de télématin, là, c'est un réveil... absolument voilà. Terrible, quoi. La prochaine nuit sera courte, je le sais. D'accord, voilà. D'accord. Bon, voilà. Mais c'est bien, mais tu t'organises pour ton sommeil, tu... Bah, j'essaye hein, de me coucher plus tôt. J'essaye de me coucher, de me lever assez tôt la veille, tu vois. Ce matin, je me suis levée à 7h20, ou par là, j'étais réveillée, je me lève. Comme ça, je serai plus fatiguée ce soir. Eh oui, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, bah, c'est intéressant. Mais bon, c'est voilà quoi. Voilà. Et à part télématin, est-ce que tu as avancé dans tes formations sur les chaînes d'infos ou je ne sais quoi ? Ouais, alors pas encore, parce que en fait, comme je vais entamer Fort Boyard le 16 mai, c'est-à-dire très bientôt, ouais. c'est pas rentable de faire des formations maintenant pour mettre en application, tu vois, fin août ou septembre. Donc on va attaquer ça, je pense, d'accord, pour la rentrée prochaine. D'accord. Mais voilà, je vais... C'est en bonne voie, ça ? On y parle, voilà, on en parle. Et c'est... Donc je vais relancer le truc après l'été. Là, c'est vrai que c'était un peu court. J'allais pas pouvoir mettre en application rapidement... Tu vois, oui, voilà, oui, il est bien d'être formé et puis tout de suite se mettre dans le bain, quoi, pour... Voilà, c'est ça. Et puis, en général, d'approfondir, parce que si tu le fais juste une fois, puis après tu reviens 3 mois plus tard, c'est pas bon. Tu te sens pas très... Voilà, donc il faut être formé, mettre en application et puis insister, faire plusieurs jours d'affilée ou des semaines, enfin, sur plusieurs semaines, etc. Donc, d'accord. Là, c'était un peu compliqué. Donc voilà, et puis donc pour l'instant c'est les télématins, les maternelles, et puis j'ai refait C'est dans l'air aussi. Ah, c'était lequel de C'est dans l'air que tu as fait? Alors j'ai fait 2 fois, j'ai fait lundi de Pâques, lundi 18. Ça parlait de quoi? Parce que ça parlait de dernière ligne droite avant le deuxième tour. D'accord. Tout approuvé maintenant, bref quoi. D'accord. Donc j'ai fait ça, et puis je l'avais fait une fois avant où on parlait de l'Ukraine. Je ne sais plus quel jour. D'accord, d'accord, voilà. D'accord. Mais là, je ne la fais pas en tant que script, donc c'est un peu particulier. Tu le fais en tant que... d'édition. Alors, en tant que chef d'édition. Alors, ça veut dire quoi, ça? Alors, ça veut dire que, en fait, ma journée se déroule. Elle commence le matin vers 8h30, 9h, où je reçois des informations du rédacteur en chef qui dit... il faudrait récupérer le sondage, ça on ne le fait pas fabriquer, mais bon, il faudrait récupérer le sondage de Ipsos Bidule en date de hier, donnant les dernières estimations de vote, machin. Il faudrait faire fabriquer un graphique montrant la proportion de votes de la France Insoumise, j'en sais rien. Il faut récupérer un verbatim de Marine Le Pen qui a dit gna gna gna telle phrase. Et donc moi, après, une fois que j'ai toutes les infos du rédacteur en chef, je fais fabriquer les infographies correspondantes. Donc j'envoie à l'infographiste les textes que j'ai lus, relus, que j'ai vérifiés s'ils étaient bien conformes avec ce qu'il y avait bien dans la presse. Il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est bien le truc qui a été dit dans Le Monde du 27 avril, gna gna. C'est bien le sondage Ipsos, truc du... 28 avril, chose pour BFM, ou pour ci, pour ça, tu vois. Enfin bref, toutes les sources, tous les trucs, il faut que je les vérifie. Et ensuite, je donne à l'infographiste qui fait un copier-coller de ce que je lui envoie. Donc, il ne faut pas que je fasse de bêtises, tu vois. Et puis ensuite, le graphiste fabrique. Il me renvoie ce qu'il a fabriqué. Je valide ou j'en valide. Et est-ce que c'est lisible? Est-ce qu'on voit assez bien le titre? Est-ce que en dessous il s'est servi d'une photo de Mélenchon qui est en fond? On n'est pas censé. C'est pas la photo qui prime, c'est le texte. Mais si Mélenchon il a un mot sur son nez, c'est ridicule. Autant décaler le truc un peu à droite, tu vois. Bon, voilà, des choses comme ça. Donc, tout ce qui est infographie, images, en plus de ce qui va être dit, qui vient illustrer les propos. Voilà. D'accord. Faire fabriquer ça. Ouais. Et puis savoir donc tout ce dont on dispose. Après, j'envoie, une fois que j'estime que tout est bien, je mets en copie le rédacteur en chef en disant voilà, je pense que tout est bien et qu'on peut. Se préparer à diffuser ces éléments. Le rédacteur en chef, il jette un œil, il peut dire « Tiens, je trouve étrange la couleur d'avoir mis du rouge sur ce mot. Pourquoi je trouve pas ça... » Voilà, j'ai eu en effet, effectivement, on n'est pas obligé de mettre du rouge sur ce mot. Bref, voilà, tu vois, bon. D'accord. C'est donc, en fin de compte, tu prépares tous les éléments qui vont permettre d'étayer l'émission, c'est un peu oui. ça? Voilà, c'est ça. Et donc, je sais tout ce dont on dispose. Donc, je fais une liste après que je vais pouvoir distribuer ben, à la personne qui doit déjà, qui a ça dans son serveur informatique, en numérotant les trucs, infographie 1, 2, 3, nanana. Et dès qu'on parle d'un truc, moi, j'ai la liste et je lui dis, eh ben, là, c'est l'infoque 27. Hop, cale-toi sur la 27, c'est bon, vous pouvez passer l'infoque 27, elle est au preview, enfin voilà. Alors, c'est-à-dire que pendant l'émission, tu continues oui. à faire ton service après-vente, quoi. C'est ça, parce que comme je connais, je sais, c'est moi qui ai fait fabriquer les trucs, donc je sais ce qu'on a en magasin, et quand j'entends qu'ils disent, ah ben par exemple, la France Insoumise, a voté un tant de pourcent, je dis, ah oui, ça, on l'a, ce truc-là, papa, faut vite que je le retrouve, et j'annonce, c'est l'infographie 27, le gars, il se calme sur l'infographie 27, et hop, il n'y a plus qu'à la passer. Alors, parce que c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que je me suis toujours posé la question, moi je l'écoute qu'en podcast, si tu veux. Ah oui. Bon, oui. Alors, il y a tout l'aspect image qui m'échappe, quoi. Hein. Oui, mais, alors ça vient, c'est pas indispensable. Hein, non, c'est pas indispensable. Mais alors, ça m'amène à poser plusieurs questions. De temps en temps, Caroline Roux ou son collègue dit, oui, ben, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et puis, hop, t'as l'impression que l'image apparaît sur l'écran, si tu veux, pour venir oui, étayer le propos. Oui. C'est bien de ça dont tu me parles ? Oui, oui, exactement. Ouais, d'accord, exactement. Okay. Donc on ça, met c'est aussi des photos derrière, c'est-à-dire que c'est pas toujours un texte, un sondage ou un article, ouais. Ça peut être les photos de guerre, tu vois, d'accord. Des soldats, des immeubles dévastés, voilà ça. D'accord. Ouais, d'accord. Donc ça, je comprends mieux comment les choses se passent, et ça c'est intéressant, ouais. Mais ouais. Il y a quand même un grand mystère pour moi, c'est ouais. La qualité des reportages qui sont faits, compte ouais. tenu de la rapidité des choses, si tu veux. Oui, il se passe un élément, disons, en France ou en Ukraine ou quelque part, le lundi, et tu as un reportage complet sur ouais. l'émission du mardi. Et comment font-ils pour aller si vite que ça faire des reportages? Alors, déjà, ils ont des équipes sur place, hein, t'as des gens qui sont... Et c'est France Télé, donc on récupère aussi des images de France 2 qui c'est sont vrai. Passées dans le JT. C'est vrai. Mais il y a des reportages, mais ils envoient en permanence, ils envoient des reporters sur le terrain. Ils ont des équipes, des correspondants locaux qui résident dans les pays, qui passent une grande partie de leur vie. Et c'est toujours les mêmes, on sait que... un tel, il est à Berlin, un tel, il est à Moscou, un tel, il est... voilà, c'est souvent les mêmes. Donc, la réactivité vient de là, mais il faut quand même... En partie de l'intérieur, mais il faut... s'envoie aussi des... D'accord. Équipes, ouais. Mais il faut ouais. quand même être... Parce que ces reportages... comme je les vois pas, j'écoute, j'écoute ce qui se dit, et j'écoute aussi les intervenants qui sont en émission ouais. et qui tous disent à 80 ou 90% votre reportage pertinent me permet me permet de dire ceci et de dire Bien cela. Sûr. C'est quand même une sacrée machine, quoi, à mettre en marche. C'est impressionnant, hein. C'est quand tu reçois la liste technique, parce que moi, jusque-là, quand j'ai fait C'est dans l'air, c'était en tant que script, donc il y a des tas de choses de l'arrière-boutique que je... Qui t'échappaient, oui, oui. Mais maintenant, à ce poste-là, j'ai des informations différentes. Et par exemple, dans la liste des gens qui vont travailler ce jour-là, je vois la liste des gens qui vont être présents et la liste des gens qui sont en stand-by pour être envoyés. Il y a un caméraman, un journaliste et un ingénieur du son ou quoi, qui sont en stand-by s'il se passe un truc, s'il faut rebondir, tu vois. D'accord. Ouais. Alors, ça, c'est une chose. Ensuite, une autre question, cette fois-ci au niveau des intervenants. Comment font-ils pour trouver, de façon toujours aussi réactive, des intervenants pertinents, si tu veux? Bon, ils ont un portefeuille, c'est un peu ils toujours les mêmes qui reviennent. Olivier, voilà, on les connaît, la plupart, il y a assez peu de... Enfin, il y a quelques nouvelles têtes que moi, je n'avais pas encore vues. Mais oui, ils ont des gens toujours au fait de... Ouais, concernant tel et tel sujet, ils savent aller trouver un tel, et c'est... Ouais. Ben ça, c'est une belle machine. Non, mais c'est une sacrée machine. Tu peux dire que... tu peux être fier de... Oui. Je le suis, hein. J'étais d'ailleurs triste de ne plus travailler sur cette émission, parce que voilà, je trouve que c'est une émission où tu ressors de là, tu t'enrichis, quoi. D'accord. Ils sont honnêtes, ils sont éthiques, enfin tu vois, il y a tout, je trouve que c'est du bon journalisme, une bonne investigation poussée à t'as toujours trois reportages qui te sur un thème où t'as vraiment globalement après une bonne idée du sujet, tu te fais ton idée, c'est pas de la foire d'empoigne. C'est interdit de se prendre la tête sur C'est dans l'air, hein, ils n'ont pas le droit. Ah, mais donc, complètement. Quand ça arrive, ils sont remis à l'ordre tout de suite. Voilà. Tout à fait. Et ça c'est très bien parce que ça donne de la clarté au débat, donne une certaine intelligence aux choses, etc. Pas tous d'accord, mais ils le disent. Mais c'est ça qui est intéressant. Quand ils sont tous d'accord, y a rien à dire. Mais c'est quand ils ne sont pas d'accord et que les uns derrière les autres, de façon très coordonnée, ils viennent donner leurs sentiments, etc., etc. Là-dessus, tu t'appuies et tu te dis, bah oui, en effet, ça c'est bien. Donc voilà, j'ai fait là. En fin de compte, c'est une petite promotion, ça. Ouais, c'est une petite promotion. En fait, à l'origine, je sais plus si je t'avais peut-être raconté, C'est dans l'air. Au départ, ils m'ont proposé ce poste de chef d'édition et ils me l'ont proposé. Et j'ai décliné parce que, en fait, je ne voulais pas m'enfermer dans uniquement C'est dans l'air. Il y a de ça un an et demi. Hein. Surtout que c'est pas un CDD. Un CDI, pardon. Du coup, je dis rien à ce que je veux dire. D'accord. Ce n'est pas un CDI. C'est un contrat à durée déterminée d'usage. Donc, c'est sur la saison. Ils peuvent se séparer de toi quand ils veulent. T'es du coup plus intermittente. Enfin, c'est un peu bâtard comme si, tu vois, t'es un peu intermittente, mais en fait, tu bosses toujours chez le même employeur pendant toute la saison. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Et puis, ça voulait dire que j'arrêtais toute autre émission à côté. Donc j'ai et puis c'est pas en plus bon, un boulot de script, c'est autre chose. Donc bon, j'ai réfléchi et j'ai dit je me sens pas là maintenant tout de suite déjà De t'enfermer dans un seul voilà, de système, d'accord. m'enfermer dans un seul truc alors que je commençais télématin, que les maternelles j'aime bien, qu'il y a Fort Boyard, voilà bon. Donc j'ai décliné, mais j'ai dit en revanche je sais. Vous me contactez moi déjà, je suis étonnée, mais bon, je suis fière. Mais je sais qui ça va intéresser. Et ma copine Charlotte, qui était script aussi de C'est dans l'air, j'étais persuadée que ça l'intéresserait. Donc je lui en ai parlé, elle a foncé, et elle a pris le truc. Donc ça fait 1 an et demi que c'est elle qui est chef d'édition sur C'est dans l'air, mais du coup elle fait plus que ça, elle a tout arrêté ailleurs. Donc c'est quand même une petite décision, tu te dis bon. Mais est-ce que c'est Mais une bonne décision? oui, ça lui plaît, puis en plus ça lui plaît, c'est bien parce que le groupe a évolué, c'est-à-dire que C'est dans l'air, c'est maintenant Media One, tu sais, on avait déjà parlé de ce truc, Oui, Media oui, One qui est un oui. des deux grands leaders des médias, enfin, médias audiovisuels français. Donc Media One qui a racheté la production Troisième Œil qui produit C'est à vous, l'émission qui passe après Oui, C'est dans oui. l'air. Enfin bref, donc c'est un gros groupe qui gère beaucoup de choses. Donc faire partie de Media One, voilà, c'est pas inintéressant. Maintenant, elle n'est pas à durée indéterminée. Mais son statut peut peut-être évoluer à force. Peut-être. Moi, j'avais pas encore envie de ça, même si c'est des choses qui commencent à me trotter. Voilà, c'est dans un coin de ma tête en disant un jour, peut-être que je changerai de statut, peut-être que faudra que je me sédentarise un peu plus. Mais voilà. Donc Charlotte l'a fait. Le truc, c'est que c'est dans l'air, c'est du lundi au samedi, tous les jours en direct. Tout à fait. Voilà. Et là, elle a juste son dimanche pour souffler et hop, elle y retourne, tu vois. Donc c'est quand même, Oui, c'est contraignant. c'est un peu un sacerdoce quand même, hein, tu vois. C'est voilà quoi. Et puis je l'ai vu bosser parce que je suis allée la voir. Parce qu'en fait, donc ce qu'elle m'a demandé, c'est de la remplacer de temps en temps. Voilà. Et peut-être plus régulièrement l'année prochaine. Éventuellement les vendredis et samedis, ce qui lui permettrait de faire du lundi au jeudi, mais je dis je ferai pas tous les vendredis et samedis, je veux pas sacrifier tous mes week-ends, voilà, Ah ça, donc d'accord. voilà, Bon, donc donc oui, de c'est temps en ouais, temps. c'est bien parce que ça te permet de, à la fois de donner une bonne formation et puis ça te permet d'élargir ton spectre Complètement. de possibilités, Mais pour d'ouverture, l'instant, etc. j'estime que le travail qu'elle fait, il faudrait 2 personnes pour le faire. Et elle ne mange pas le midi. Enfin bon, c'est ce qu'elle fait. Je comprends qu'elle commence à vouloir lever le pied. Ce qu'elle fait, c'est juste, je suis allée du coup la voir travailler pour voir comment ça se passait afin de le faire ensuite moi-même. Et le midi, elle s'emmène un petit truc à grignoter, mais elle passe son temps à recevoir. Parce qu'en fait, tu reçois sans arrêt des trucs à Les infos, tout à valider, fait, tout à des fait, tout à infos. fait, tout à fait. Finalement, on veut une carte de l'Ukraine où on voit la progression des troupes russes, gna Oh, gna gna, en tout à fait, tout comparé à fait. avec, Non, non, mais tu j'ai vois? bien compris. Ouais, Et t'es... donc tu passes ton temps à aller demander les trucs aux uns aux autres, qui te le renvoient, tu valides, ou au contraire tu dis attention là, t'as oublié une majuscule à Ukraine, ou Ouais, t'es t'as sur mis le un point pont. à la fin du truc alors qu'il faut pas mettre de point. Enfin bon, et tu vois le diable se cachant dans les détails, tu passes ton temps à regarder les trucs et tu t'as pas le temps, tu manges pas. Après il faut partir sur le tournage, t'arrives là-bas, t'informes tout le monde, tu donnes les documents, tu t'assures que tout le monde Ça a se bien fait pas au même reçu. endroit? Pardon? Ça ne se fait pas au même endroit? Et non, alors ça va évoluer parce que Charlotte me disait qu'ils vont déménager et que les bureaux vont être maintenant à l'endroit du plateau, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais pour l'instant, c'est pas au même endroit, ouais. Donc D'accord. voilà quoi, c'est quand même une petite gestion. Il faut aussi prendre en compte le trajet. Voilà, d'accord. Alors moi, ce que je faisais, parce que là, je l'ai remplacé des week-ends plutôt, j'étais en télétravail chez moi la journée. Ah, jusqu'à... d'accord. Donc, j'allais pas au bureau. Elle va au bureau parce qu'en plus, elle gère d'autres trucs. Il faut commander des cartouches d'encre pour l'imprimante parce Oui, que tu vois, elle gère tous elle ces fait du trucs-là en secrétariat, plus. quoi. Ouais. Voilà, en plus. Donc, et D'accord. c'est pour ça qu'elle aimerait que je la soulage un peu pour qu'elle puisse, en fin de semaine, gérer tous ces trucs d'administratif, de commandes, de ci, de ça. Enfin, bref, quoi. Donc, c'est intéressant, mais franchement, à l'état actuel, je ne me vois pas faire ça de manière plus Bah régulière, quoi. oui, et puis Voilà. télé matin la nuit, c'est Oui, dans l'air c'est le ça. jour, quoi. Et les Tu... week-ends et les machins aussi, ça va, quoi. Tu Ouais. vois, il y a un moment où... Ah ben il y a des choix à faire, il y a des choix Mais à faire, complètement. il y a des Et choix à d'ailleurs, faire. je suis pas du genre à rechigner. Voilà, hein, j'en ai Non, fait hein, des non, boulots. Télématin, je travaille le samedi régulièrement. Hein, non. Ouais, parce voilà. que, voilà. Donc, mais je vais pas dire, je fais un samedi par mois télématin, puis les trois autres, je fais c'est dans l'air, quoi. Ouais, Parce non, qu'au final, t'as aussi une famille, puis tu te dis, bon, bah, les gars, salut. Hein, je vous dis à bientôt. Je bien sais pas si sûr, vous me reconnaissez, je suis bien sûr, maman. bien sûr. Ouais. Voilà quoi. Non, mais je pense que Mais c'est une bon, bonne expérience pour toi. mais parfaitement. C'est une bonne. Il me semble qu'elle est un peu tardive. Oui, bah, elle est tardive, ouais, bah, tu sais, les opportunités sont comme... Voilà, Voilà, ouais. et puis je pense que le vrai souci, c'est que tu vas avoir de plus en plus d'opportunités quand Ouais. quand tu interviens quelque part, bah tu es de plus en plus connu, si, Bien surtout si sûr, tu travailles on va bien, dire, bah etc. tiens, les chefs d'aide sur c'est dans l'air, elle peut aussi le faire sur Voilà, telle autre émission, exactement, machin. Oui, exactement. bien Tu vas sûr. être de plus en plus sollicité. Les choix vont Peut-être, ouais. devenir de plus en plus cornéliens. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Cornélien. Donc, Ouais, il faut, ouais, faut être assez clairvoyant, quoi. Hein? c'est ça. Donc, faut. Moi, mais ça me plaît de faire un peu de tout. Et en fait, j'ai pas envie de m'enfermer. C'est pareil. J'ai aussi dans un coin de ma tête peut-être un jour de postuler à France Télé définitivement et de devenir script de France Télévision. Oui. Voilà. Ils font des ouvertures de poste et tout. D'ailleurs, j'ai une copine cadreuse qui m'a envoyé en me disant, tu sais que là, ils ont encore recherché. J'ai dit oui. Mais voilà, pour l'instant, je me sens pas non plus. Alors après, bon, quand t'es script à France Télé, en même temps, il y a plus de diversité que quand t'es chef d'aide à C'est dans l'air. Parce que tu peux D'accord. être script sur le journal, sur Télématin, sur un jeu, sur tout ce qui est à France Télévision, quoi, tu vois. Voilà, Tu peux faire Roland-Garros, tu peux faire Bah, toi qui aimes bien la diversité, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, c'est dans un coin de ma tête aussi. Mais là, ça veut dire que, voilà, tu travailles... Tous les jours à France Télévisions, tu as un salaire fixe, voilà quoi. C'est. C'est peut-être pas Mais. mal pour une fin de carrière. Mais oui, mais complètement. Et puis j'ai une amie, oui, je veux la considérer presque comme une amie script de France Télé, qui a. Je pense qu'elle a 60 ans déjà. Voilà, je sais pas quel âge elle a, mais c'est une vieille de la vieille, quoi, et elle est super adorable, c'est elle qui m'a appris plein de trucs, enfin bref, et elle m'a dit, tu sais, moi je vais partir en retraite un de ces jours, et puis machine aussi, donc il y aura besoin de relève et tout, Eh ouais, ils assurent leurs donc arrières, mais bon, c'est bien, mais c'est bien. voilà, donc bon, voilà, écoute, Bon, pour l'instant... l'avantage, écoute-moi, c'est que t'es prévenu. Bon, Oui. c'est que ça te permet de te réoxygéner dans plein Oui. d'expériences, etc. Bon, Et voilà. et Et après ça te de donne des trancher. formations, ça te... Bon. Et puis après, bon, bah, peut-être que tu vas Oui. modifier ton parcours et puis te focaliser pour ta fin de vie professionnelle. Voilà. Tu Oui, vas sur te quelque chose de plus focaliser sur posé. une ou deux, peut-être. Tu peux raisonner encore sur une ou deux Oui, bien sûr. et puis voir. Mais c'est bien. Voilà, ta notoriété commence à payer, ma chérie. Écoute, voilà, je me dis que quand je commencerai à faire des JT à France Télé, tout pour l'instant, postuler comme script permanente de France Télé, alors je fais que télématin chez eux, tu vois, bon. Mais quand je commencerai, si, voilà, à faire d'autres choses, à faire, je pourrais, voilà, Bon, c'est une ben ça porte c'est bien, je suis content. qui... Voilà. Et ton homme, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, mon homme, oh, bah, tu sais, toujours, qu'est-ce qu'il fait de beau en ce moment? Il est toujours dans les écrans, les trucs virtuels, je sais pas précisément. Mais il te montre ce qu'il fait? Pas trop, non. Pas trop. Et parfois, si je suis présente, alors qu'il me fait des démonstrations à d'autres, etc., j'en profite. Mais non, il est assez Secret. Secret. Il parle pas trop boulot, en fait. Mais il fait des devis de ci, de ça. Voilà, des fois, il a un pote qui appelle en disant. Qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que c'est trop si je demande tant et tout? Il dit, attends, c'est pourquoi? Quelle diffusion et tout? Mm-hmm. Oh, ben non, là, tu peux y aller, c'est pas trop. Enfin bon. Donc, il fait des devis de trucs pour des boîtes, pour leur proposer des conseils, Il fait du conseil, donc? Ah oui, beaucoup, ouais. D'accord. Essentiellement. Et il vit de ça. Ouais. Bon. Il fait du conseil, d'équipement high-tech pour optimiser, aussi bien des serveurs qui vont stocker des données, machin. D'accord. Ou bien des. Voilà, tout. Il passe son temps à se former, lui. Et il est toujours dans sa boîte de transmission? Oui, alors il y a plusieurs tableaux. C'est pas que la boîte de transmission. Il y a de ça, mais je sais pas. C'est pas que la boîte de transmission. D'accord. Je crois. Bon, ouais. D'accord. Ça dépend de. Oui. Voilà. Bon, écoute. Ça, Voilà. Il est égal à lui-même. Quand je pose trop de questions, j'ai des réponses. Évasive et oui, donc je pose pas trop de questions. D'accord. Je sais qu'il est. Bon, ben ça c'est bien. Il bosse. Et ben ça c'est bien. Ça c'est bien que l'un et l'autre vous ayez trouvé votre chemin et que. c'est important. C'est difficile. Et puis vous y plaisez. Il y a des choses qui nous plaisent, donc c'est vrai que c'est chouette. Et puis en fin de compte, c'est bénéfique pour le couple. Voilà, parce que c'est tout ça qui compte, quoi. Hein? C'est vrai. C'est tout ça qui compte. Alors, parle-moi de ta progéniture. Manon, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, Manon, là, ils sont en vacances tous les deux depuis vendredi, là. Enfin, en vacances, ils sont à la maison, mais c'est des vacances scolaires. Donc, d'accord. Manon, elle prépare un brevet blanc après les vacances. Ouais. Et Jason, il a des épreuves du bac. Lui. D'accord. Donc, alors, parlons de Manon. Après, on parlera de Jason. Brevet blanc après les vacances, faut mettre un bon coup de collier là parce que voilà, je la tanne un peu pour qu'elle se relâche pas. Elle se relâche. Elle se désintéresse, c'est pas toujours facile. Et pourquoi elle se désintéresse ça? Mais il y a des choses qui l'intéressent pas, l'histoire géo, ça dépend quoi, il y a des choses qui ne l'intéressent pas, donc ça la saoule d'apprendre. Donc, des fois, elle récite des trucs. Je dis, mais t'as compris ce que t'es en train de dire là-bas? Non, pas trop. J'ai pas le temps. On décortique, vas-y. Mais voilà, il y a des matières pour lesquelles elle a du mal à approfondir et je suis un peu derrière, quoi. Ouais. Donc, il faut. Puis je lui dis, là, si tu veux. Donc l'année prochaine, elle se destine donc à un lycée professionnel. Voilà, d'accord. Qui fait de la coiffure et elle en démarre pas. Donc voilà, donc on a visité, je sais plus si j'ai eu l'occasion de te le dire, un lycée à Argenteuil. Il y en a un proche de chez nous. D'accord. Donc ça c'est bien parce qu'au départ et c'est récent en fait ce lycée qui propose le bac pro coiffure. Avant il le proposait pas. Et du coup, c'était pas dans mes listings de lycées à contacter. Et je disais, mais tout ce qui fait coiffure, c'est super loin, quoi. À Sceaux, à je sais plus où. ou dans Paris, c'était encore ce qu'il y avait de plus proche. Donc Argenteuil, ça c'est bien, c'est sur la ligne de bus en plus qui est chez C'est ce que nous. Manon m'a expliqué l'autre jour. Ah, d'accord, voilà. Elle m'a Ouais. dit que pour le bus, c'était bien, c'était simple. Elle C'est le avait. même qu'elle prend pour aller à la gym, mais en fait, Voilà, elle a qu'à la gym traverser est à la côté rue. du lycée. Elle traverse la rue, voilà, c'est bien, Voilà. voilà. Donc, bon, ça la motive bien. Et je lui dis, mais là, en revanche, il faut avoir le brevet, il faut passer en seconde. Tu vois, on y va, quoi. Parce que si tu passes pas en seconde, bah, tu recommences ta troisième. Hein. Donc, j'ai un peu mis les. Mais si elle devait redoubler, il vaut mieux qu'elle redouble la troisième, peut-être que la seconde. Tu Ouais. comprends? Parce que la forcer, entre guillemets, à faire le forcing pour qu'elle aille en Elle aille en seconde, seconde les programmes, je ne sais pas comment ça a évolué, mais de mon temps, mais bon, je pense que depuis le temps, les choses ont quand même bien dû évoluer, mais la troisième était la plaque tournante, si tu veux. Et c'était, à mon sens, plus intéressant de consolider les acquis de la troisième, plutôt que de passer Que de en plonger dans seconde. des nouveautés qu'on Ouais, maîtrise pas c'est et même, ouais. ouais, c'est même pas le fait d'être plongé dans des nouveautés, c'est que derrière, tu as plus de potentialité en redoublant ta troisième qu'en redoublant ta seconde, quoi. Voilà, je pense. Bon, mais. Bon, écoute, Bon, j'espère donc, mais que. elle n'a pas de si bonne note que ça, alors, si je comprends Alors, bien, parce qu'elle me racontait il y a eu des épisodes. quelques chutes un peu au deuxième trimestre, là, en l'occurrence en histoire géo. En revanche, il y a des très bonnes notes en physique, alors qu'elle va te dire, j'aime pas la physique. Donc, bon, ça dépend aussi du nombre d'évaluations qui sont faites, etc. Bon, mais là, je. Parce que l'histoire géo, c'est Et pas puis. très grave si elle n'est pas à la pointe. Mais l'histoire géo, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est de la compréhension des choses, quoi. Voilà. C'est ça. C'est pas du savoir. Non, non, c'est de la Dans le temps, déduction, c'est c'était du du. Quand savoir. t'as des. D'ailleurs, je lui dis, t'as des. Souvent, il faut commenter un document, un article, une photo, nanana. Si tout est écrit, tu lis la légende, t'as la date, donc la date, ça te rappelle à cette date-là, il y a eu quoi, c'est quel. Tu le contexte. Je lui dis, lis vraiment tout, la légende, si tout est écrit en dessous. Ouais, tout à fait. Enfin. Et puis, est-ce qu'elle se sert d'Internet? Oui, Parce que oui, Internet est un vaste, comment dire, toutes les connaissances, elles sont là, quoi. oui. Ouais, Donc, ouais, il suffit de taper la bonne requête sur Google, et Ah, puis mais bien sûr. t'as la réponse à tes informations, quoi. C'est sûr. Ah non, mais elle s'en sert, hein. D'ailleurs, parfois trop, je dirais, parce que des fois, je dis, mais là, t'es parti chercher un truc, mais en fait, c'est sous ton nez, hein. C'est avant. T'as même pas besoin, quoi. C'est-à-dire que c'est presque peut-être trop automatique pour moi, l'Internet, là. Dans le sens où tu y vas systématiquement, mais la question, la réponse était dans la question. Bien Donc, sûr, tu vois, bien sûr. des fois, analyser ce document, de quoi s'agit-il, en quelle année, mais je dis, mais tout est marqué là. Lis la légende, c'est écrit devant ton nez. Pourquoi tu pars chercher. Il y a le titre, c'est le titre. En fait, tu lis la légende, mais tu n'as pas lu le titre. Le Bien titre, ça te sûr, dit tout. bien sûr. Voilà, donc, parfois trop, ou des trucs en anglais où elle va demander à Google Traduction. Je lui dis, attends, excuse-moi, mais Google Traduction, parfois. Oui, c'est un peu limite. Quand elle veut écrire un truc, elle l'écrit en français, et Elle le des tape fois, sur voilà, Google toi, tu. Traduction. Oui, et là, tu vois du petit chinois. tu dis, ah oui, bah, toi, Mais t'écris remarque, tu autrement. sais qu'une bonne partie À de la l'école. planète fait ça. Oui, non, mais je sais Et bien. c'est invraisemblable de voir que les gens arrivent à communiquer de cette façon-là et qu'il n'y ait pas plus de couillonnade que ça, quoi. Parce que, Non, mais. tu vois, le spectre de la langue anglaise qui est vachement large et qui. En français, tu remplaces un mot par un autre, tu te plantes, quoi. Ben, c'est ça. Alors qu'en anglais, c'est pas tout à fait le cas. C'est ça. Ah oui, non, mais. Oui. Oui, enfin voilà, donc, mais des fois, ça donne quand même des trucs assez. Voilà. Ah oui, oui, oui, tout à fait. Tout à fait, faut faire attention. Et l'autre fois, il y avait ma copine Séverine qui a. Elle a entendu parler d'une association qui accueillait des Ukrainiens, enfin oui, bref, d'accord. Et elle a proposé à une Ukrainienne de venir faire des petits travaux de jardinage chez elle, etc. D'accord. Et donc, mais, et la nana, elle vient d'Ukraine, elle était arrivée 15 jours avant, elle ne parle pas anglais, elle ne parle pas français, donc elle s'est servie aussi, donc elle a fait des vocaux sur Google Traduction, etc., d'accord. Avec traduction en ukrainien. D'accord. Alors, bien relire quand tu fais ton vocal, ça s'affiche, ça s'écrit. Et puis il y avait un mot, je sais pas là, ça avait pas été qu'est-ce que c'était, une histoire de drap alors que c'était pas drap. On viendra, oui. Ou tu vois, bon, on viendra, ou je sais pas quoi. Et le truc, il mettait des draps, on vient des draps. On vient des draps. Donc la nana venait pour faire du jardinage, elle se retrouvait avec des draps. Non, attendez, c'est pas ça. On refait. Donc bon, tout, oui, ça tout à fait. Oui, oui. Et puis alors, attends, tu m'alertes sur quelque chose au niveau de Google Traduction. Oui. C'est que si tu fais une faute d'orthographe en français. Oui. Ah oui. Imaginons, on viendra, drap finissant par un P, quoi. Ben tu justement. Dis. Et ça te fait des cataclysmes en anglais. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça, les gens qui, bien sûr, et puis alors, faut voir les fautes, c'est fautes d'orthographe que peuvent faire les gens, tu flippes, quoi. L'autre fois, je lisais un document Fort Boyard où on nous explique toutes les nouvelles épreuves et tout. Oh, j'étais là, mais qui a rédigé ça, quoi? Il y a un vrai problème, hein. Il y a un vrai problème. Ah non, mais c'est, alors que c'est des dirigeants, hein, des gens qui ont des idées, qui disent, voilà, on va faire ce jeu comme ça, etc., nanana. Bah, bonjour les accords de Paris. Ouais, mais alors, oui, mais. Et moi, alors, ça me casse les pattes. Hein. Ouais. Ça, je. Mais ça, c'est des gens de peu de culture, parce que, en fin de compte, moi, tu vois, je fais. Si je ne fais pas attention, je fais des fautes d'orthographe. Bah oui, bon, faut se relire, bon, on le fait tous. Voilà, et bon, ça m'arrive aussi. Hein, et par contre, sur Google. Quand je tape quelque chose, si tu veux, il me corrige toutes mes fautes. Oui. Hein. Je ressors de là avec. Bon, il y en a peut-être encore, mais. Oui. Voilà. Donc. Bien sûr, aujourd'hui, il y a quand même des outils qui te permettent De te corriger en orthographe. Bien sûr. Bon, voilà. Alors, on continue le tour du patrimoine. Le tour du patrimoine. Alors, Jason. Alors, Jason, moi, j'ai quelque chose à dire. Il ne t'a pas rappelé. Oui, et tu le sais, tu le suis. Oui, je lui ai dit. Et pourquoi il ne rappelle pas? Alors, attends. Moi, je te donne mon sentiment. Ouais. Hein. Il ne doit pas être à l'aise avec moi. Il n'a peut-être pas envie de communiquer avec moi. Et c'est ce qui explique cela, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, si tu veux. Ouais. Bon, donc, moi, je vais... comment dirais-je? Je vais arrêter de le solliciter. Je le faisais parce que ça m'intéressait dans ce qu'il faisait. Oui. Et puis, voilà. Voilà. Mais si lui n'a c'est pas... C'est à lui de venir. Si lui n'a pas envie de venir, eh ben, il ne vient pas. Voilà. Mais il n'écrit pas, hein, parce qu'il a écrit... Hein, le 13 mars, voilà, je te rappellerai dès que j'aurai un peu moins de travail, si tu veux. Voilà, alors, il n'est pas à l'aise avec moi, parce que c'est ça la vraie question. Je sais pas, alors, je lui avais dit de t'appeler pour parler des... Enfin, parce que tu avais... De ça, de son orientation. Les lettres de motivation. Bien sûr, et tout ça, bien sûr. Alors, c'est peut-être ça qu'il a pas envie de... Voilà, il a peut-être pas envie de parler de... l'école, de tout ça. C'est vrai qu'il c'est chargé, hein, la terminale. Mais bon, oui, d'accord, ok, mais bon... Mais bon, ouais. Bon, mais il peut parler d'autres choses. Il peut parler d'autres choses. Et moi, je crois que lorsqu'on écrit qu'on va rappeler, eh bien, on rappelle. Un mois et demi après, il ne l'a pas fait, si tu veux. Ouais. Ça, c'est des engagements qui sont pris. Mmh. Et quand on écrit, c'est un engagement. Oui, bien sûr. Hein? Les mots s'envolent. Puis les mots s'envolent, si tu veux. Mmh. Alors que les écrits, ils restent, même sur Instagram, tu vois. Bon, voilà. Alors, je trouve ça un petit peu dommage. Mmh. Et... Bah écoute, moi je rappellerai pas, je laisse faire, mais je pense que pour lui, il y a un problème. Il y a un problème de... Parce que ça fait au moins 3 ou 4 fois que ça se produit, ce truc-là. Mmh. C'est l'âge à la fois où on a envie Moi, je vais pas chercher. Autonomie aussi. Il apprend son autonomie, mais il y a des règles à respecter, si bien tu sûr, veux. Il y a des règles à respecter, et je pense qu'il est assez volatile dans ses engagements. Alors, je sais pas avec les autres comment ça se passe. Il a des problèmes avec les autres. J'ai pas l'impression, non. Il est entouré, il a des potes, tout ça. Il sort, il voit des gens, il fait des. Là, il va aller à une exposition cet après-midi. Pop-air, truc de ballon gonflable à la Villette. Enfin bref, d'accord. Je sais pas. Bon, voilà. C'est donc, bien. C'est bien. Il fait beaucoup de choses. Je pense peut-être trop, mais ouais, il fait beaucoup de choses. Il y a ces journées. Donc là, les vacances, il va souffler un peu, mais en semaine, il y a musique entre la musique. Il a le mardi soir. De 21h30 à 23h, tu le crois ça, 21h30 à 23h, Batucada, c'est les percussions brésiliennes, etc. Tu dis, ok. Le mercredi de 19h30 à 21h30, le jeudi... Qu'est-ce qu'il fait le mercredi? Musique, ouais, mais non, c'est même pas... C'est 18h45 à 21h30, musique, il a d'abord son cours de batterie, de 18h45 à 19h30, et ensuite il a 2 heures de formation musicale et écriture musicale, machin, de 19h30 à 21h30. Le jeudi, il a orchestre à l'école de musique de 19h30 à 21h30. Donc voilà. Donc c'est voilà. En plus, il faut bosser. Tout le reste, quoi. Mais bien sûr. Tu vois, et je lui ai dit, mais la Batucada, c'est too much. Mais il veut, mais ça m'intéresse, la musique, tout ça, ok. Plus les répétitions au lycée. Donc bon, et il se lève à 6h05 le matin. Et puis, parfois, il finit donc à 23h. Bon, alors, d'accord. Ceci explique cela, qu'il est comprends qu'il est surbooké. Bon, maintenant, je pose la question, est-ce que, quand tu dis c'est too much, est-ce que c'est une bonne chose qu'il soit surbooké de cette façon-là? Moi, je lui ai dit que c'est trop. Et en plus, il est inscrit à la salle de sport, il va au sport quand il peut. Voilà. Il me dit, mais j'en ai besoin, etc. J'écoute, bon, je ne vais pas t'attacher sur une chaise. Je pense que c'est trop. Voilà. Je fais trop de choses. Mais est-ce que... quels sont ses résultats? Quelle est sa scolarité? Ça va. Il suit, il arrive à... il n'a pas de mauvais résultats. Ça va bien, ça va comment? Pardon? Oui, ça va bien. Il a de bonnes notes. Il y a des matières plus ou moins compliquées ou quoi. Mais oui, globalement, il est au-dessus de la moyenne. C'est une très bonne chose. Bon, s'il fonctionne comme ça, c'est bien. Voilà. Bon, je lui ai déjà rentré dans le lard en disant non, mais là, le sport, en plus, s'il y a la salle de sport, tu rentres à je sais pas quelle heure, ça va pas être possible en fait. Donc par moments, ça crispe un peu. Et puis tu sens que c'est l'âge où il a besoin d'être en dehors de la maison, Oui, de faire alors des ça trucs, c'est un élément voilà. important. Et Oui. ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et ça, il faut l'encourager. Mais Bien sûr. il faut que tout ça soit bien mesuré. Et alors, en fin de compte, est-ce qu'il a eu des informations quant à ça, à ces endroits où il postule? Pas encore, ça y est, là, les dossiers sont remplis, ça y est, c'est fini, D'accord. c'est rendu, ça devait être fini le 7 avril, on a fait tout bien dans les temps, même avant les dates limites, parce que moi je fais Alors, les attends, trucs au dernier jour. on a tout fait bien dans les temps, ça me rappelle quelque chose. Mais, Ouais. dans une discussion que j'ai eue avec Manon, parce Ouais. qu'avec Manon, on discute. C'est Vous plus. avez. Oui, Ouais. c'est plus simple, c'est plus Ouais. facile, je ne sais pas pourquoi, mais Ouais. bon. Ben, peut-être qu'il y a de l'âge qui fait, enfin, je sais pas, il y a Ouais, peut-être voilà, un bon. moment où ils se disent, hop là, je m'émancipe, je m'émancipe. Oui, tout Ouais, à fait. Bon, alors attends, bon. je reviens à Manon. Et Oui. la dernière discussion que j'ai eue avec Manon, c'était sur son rapport de stage. Ouais. Et le rapport de stage, je l'ai lu, je l'ai Ah oui. relu, etc. Et je me suis dit, bon, alors Manon, hein, c'est quand même une experte. Oui, c'est Non, vrai. mais alors je lui ai posé la question, je lui ai fait, mais dans quelle mesure ce rapport de stage t'appartient ou appartient à ta mère? Ah bah, Et dans quelle ouais. façon ta mère t'a aidé pour faire ça? Parce que je sentais quand même derrière les tournures de phrases, derrière. Ouais. Je pense que tu es beaucoup intervenu. Pas, alors, je suis intervenue dans tout ce qui est, oui, tournure de phrase, parfois, effectivement, Manon, elle peut te dire un truc un peu comme elle parle, comme ça. Donc, il y a des tournures de phrase que j'ai pu reprendre, mais globalement, c'est son. Moi, je lui ai dit, tu fais ton truc, c'est ta mise en page, c'est tes photos, c'est tes Oui, trucs, non, non, mais la mise en page des et le photos, ça, texte. mais c'est Il le y a des choses texte. qu'elle a repris d'Internet ou des recherches sur le métier d'ADSEM, ceci, cela. Donc il y a des tournures qui sont qu'elle n'a pas inventées puisqu'elle reprend, voilà, qu'est-ce que c'est que ce métier, quelles les informations, etc. Voilà. Moi, je relis, évidemment, je mets le truc en français et je fais en sorte qu'on corrige bien toutes Bon, les fautes d'accord. d'orthographe, autant que possible. Mais Voilà, alors, donc avec Manon, tu t'es impliqué de cette donc, je façon-là, m'implique, hein, c'est et sûr. avec Bah Jason, parce que Jason, oui. Toi aussi. j'ai bien Oui. regardé aussi ses lettres Ouais. de motivation. Bon, Ouais. alors, comme je le connais un peu moins bien, je ne sais pas ce qui lui appartient de ce qui t'appartient à toi. Mais on sent quand même qu'il y a. Alors, au niveau de l'orthographe, il fait beaucoup de fautes d'orthographe, et là, on n'en a pas trouvé, et c'est Ah très. bah le but c'est qu'on Oui, n'en laisse pas. non, Mais de toute non, façon mais. ça je suis derrière eux pour tout. Hein. Maintenant elle m'envoie un SMS, je lui dis hey, c'est quoi ce SMS? Tu me fais le plaisir de. Enfin tu vois, voilà, donc bon, les fautes, Ah, c'est. ils sont capables de faire quand ils réfléchissent, ça fait moins de fautes que quand ils t'envoient un Oui, message ça c'est sûr. j'arrive, je pars avec un T et enfin bref, tu es là, oui ben non. Voilà. Tu vas partir avec un S déjà et bon enfin donc en fin de quand on compte, fait tout ça, c'était la question d'autonomie et de recherche d'autonomie et dans la façon que tu as de les accompagner, si tu veux. Et je Ben, pense. on fait ensemble, tu vois, les lettres de motivation de Jason. Déjà, on a commencé par faire un brouillon en mettant un peu toutes les idées qui lui venaient. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu peux. Je lui dis, ben, je pense qu'il faut aussi que tu parles de ça, par exemple. Ah, bah oui, t'as raison. Voilà, donc on a un peu balancé comme ça tout ce qui venait. Et puis, après, on était contraint par le nombre de caractères. Donc là, comment dire, cette idée-là, mais en moins de caractères, tu vois, avec Tout à un fait, moins tout de à fait. mots et tout ça. Donc on s'est un peu. Donc il y a un moment où lui, il avait rédigé un truc qui était bien, mais on était à 2400 caractères, il fallait faire 1500, tu vois. Donc j'ai dit, D'accord. ok, alors. Et puis lui, il a tellement de trucs et tout. Je dis, je vais, bon, ton truc est bien, je vais voir comment je peux contracter telle idée. Donc après, je lui dis, voilà, regarde, j'ai fait ça, j'ai contracté, qu'est-ce que t'en penses? On regarde ensemble. Bon, finalement, est-ce qu'on le dit vraiment ou est-ce que c'est pas si important? Là, on est d'accord, on enlève ça. Mais en revanche, il tenait à ce qu'il y ait telle et telle info. Je dis, oui, t'as raison, ça c'est bien. Bon, voilà, on l'a fait ensemble. Je pense qu'ils sont encore jeunes pour être. Tu vois, s'il fait tout seul le truc, et que, de toute façon, ils te disent bien, hein, dans Parcoursup, hein, faites-vous relire par des adultes. Bien sûr, bien sûr. C'est indispensable. Bien sûr. Et même aujourd'hui, je fais une lettre à Télématin pour qu'on se fasse augmenter, etc. Je fais relire à mes collègues et on en discute. Et peut-être que là, ta formulation, c'est un peu trop péremptoire, ils risquent de mal le prendre. Peut-être qu'il faut tourner ça de manière plus... Ah ouais, t'as raison, ok. Tu vois, je pense que tout le monde a besoin de... Enfin, voilà. Donc, bon. On l'a fait, il l'a fait, ce sont ses idées, et c'est ce qu'il veut faire, et il a choisi les écoles, et là, machin. Après, on a regardé chaque école, qu'est-ce qu'elle demande, quels sont les... et adapté la lettre à chaque fois. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc bon, c'est... mais c'est vrai qu'il ne l'a pas fait tout seul, ouais, c'est sûr. D'accord, ok. C'est vrai. Bon, non, mais c'est intéressant. Est-ce que son père intervient? Dans... Moins, bah, du coup, comme je m'y colle, si besoin. C'est moins voilà, ou pas du tout? Non, il n'intervient pas, sauf si on lui demande d'intervenir, voilà, mais vu que je m'y. Et pourquoi tu ne lui demandes pas d'intervenir à lui? Qui donne ça? Parce que je suis peut-être plus disponible, parce que aussi, c'est peut-être un truc que j'aime bien faire aussi, je sais pas, voilà. C'est peut-être une histoire de... Tu sais, moi, dans la famille, c'est moi qui sais quand faut payer les trucs. Oui, mais j'ai bien compris donc, que... Donc, j'ai le calendrier en tête, je sais que ça doit être fait à telle date, j'ai pas envie que ce soit fait la veille. C'est hors de question pour moi. Or, Stéphane, il va plutôt être du genre à faire le truc la veille. Enfin, voilà. Donc, moi, non. Ça me non, mais tu as complètement raison. Donc, mais après, évidemment, on en parle. Je lui dis, voilà, il y a telle école, il y a ça. D'ailleurs, il y a la journée porte ouverte. Est-ce que, bah ouais, ça, c'est très bien. Il peut y aller par tel RER, il connaît, il sait, c'est direct. Il est d'ailleurs lui-même allé aussi, Stéphane. Enfin bref, donc voilà, lui, il va être plus dans l'accompagnement. Mais tout ce qui est administratif et tout, D'accord. C'est pas sa passion. Hein. D'accord. Donc, voilà. Mais en revanche, voilà, on en parle. Non, parce que ce qui va être intéressant à suivre, et tu en parlais tout à l'heure à propos de Jason, voilà, en disant, voilà, il a besoin de sortir de la maison et de s'oxygéner ailleurs. Et ça, c'est très bien. Normal, et ça, c'est sûr, très bien. Et moi, j'essaye toujours de me remémorer ma jeunesse et je pense qu'arrivé au moment du bac, et ben c'était un super grand moment et c'est vraiment là où tu commences à t'émanciper. Mais il faut aller jusqu'au bout. Ouais. Aller jusqu'au bout, ben c'est ouvrir la porte et laisser la porte ouverte. Et on va voir, et pour ça je serais curieux de voir un petit peu comment dans ton cheminement d'éducation, tu vas laisser tes enfants s'émanciper. Oh bah je le laisse déjà. On va voir. On va voir. Parce que je te trouve, moi, je te l'ai toujours un peu dit, un peu mère qui prend beaucoup tes enfants sous tes ailes. Quand il y a des grands challenges. Je laisse sur certaines choses, mais. Là où il ne faut pas se planter sur Parcoursup, je ne te laisse pas tout seul. Quoi. Voilà. Et on va voir un petit peu. Et moi, je suis curieux de t'observer, de vous observer. C'est pour ça que j'essaye de parler avec mes petits-enfants, d'essayer de bien comprendre comment leur mode de fonctionnement, si tu veux. Je vais regarder ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup de... parce que tu essayes toujours... dans ton éducation, eh bien, de laisser la place à ton propre vécu d'il y a 30 ans ou 40 ans, si tu veux. Et à partir de là, eh bien, à l'aune de ton propre vécu, tu vas donner les grandes impulsions. Qui sont nécessaires, et tu viens de me le dire, là, voilà, pour les choses importantes, je suis là, etc., etc. Ouais. Et dans tout ça, il y a une ligne, tu sais, t'es un peu sur un pavé mosaïque, et marcher sur un pavé mosaïque, c'est pas d'être toujours sur le blanc, d'être toujours sur le noir, c'est d'être sur la ligne de comment dirais-je, entre ces deux marques. Et ça, c'est extrêmement difficile, mais c'est mais c'est passionnant, voilà. C'est vrai. Et on va voir un petit peu comment les choses se passent. Voilà. Moi, je. C'est un peu, voilà, au jour le jour. Des fois, tu te dis ça, non, c'est non. Et puis, on discute. Et puis, tu dis, okay, oui, c'est peut-être pas ça. Je te donne ça, mais voilà, bon, il faut un peu moduler le curseur. Ah, complètement. Il faut bouger le curseur. Au jour le jour, pas être. Pas être braqué, maintenir le dialogue, c'est tout un boulot de... Et puis je pense que c'est de plus en plus compliqué, parce que il faut être de moins en moins dogmatique, c'est pour ça que je te dis, je vais être attentif à tout ça, et ça m'intéresserait de... ça m'intéresse d'échanger, quand tu veux, voilà, je veux pas, moi, trop m'imposer, je préfère te laisser, comment dirais-je, m'imposer vis-à-vis de toi, ne serait-ce que pour pas te prendre tout ton temps, parce que je sais que t'as une vie quand même qui devient de plus en plus trépidante. Et c'est pour ça que je préfère que ça soit toi qui vienne vers moi plutôt que moi de m'imposer. Les choses se passent bien, on s'entend bien. Et puis qu'on continue comme ça. Voilà, ma chérie, je vais te laisser. Comment ça va, toi ? Vous êtes allé à Quiberon, alors, ce dimanche ? Alors, tous les jours d'élection, on va à Quiberon. On a été à Quiberon, le vote s'est fait quand même beaucoup plus facilement que les autres fois. Il va falloir y retourner encore deux fois au mois de juin. On va tâcher de continuer de faire en sorte que notre pays là aussi c'est pareil, quoi, tu vois. D'être sur la crête, mais d'être sur la bonne crête, quoi. Avec un Macron qui dérape pas trop, une Marine, pour l'instant, on en est là, mais il va falloir, pendant les élections, tenir compte de tout ça, voir un petit peu comment les choses se passent, et être extrêmement vigilant avec toutes ces extrémités qui... il faut reconstituer, à mon sens, un pôle assez central. Ce que voulait Macron, d'une certaine façon, quand il a cassé tous les partis, mais il les a tellement cassés que ça lui retombe sur la gueule maintenant. Donc il va falloir reconstruire tout ça, faire en sorte que la France ressorte grandie. Ressorte grandie de toutes ces expériences qui peuvent... on va lui faire confiance. Moi, je lui fais confiance, Michaela aussi, je pense que toi aussi. Moi aussi, bah voilà. Oui, moi bon, aussi. Mais il faut être vachement vigilant, accompagner tout ça, s'informer à droite et à gauche pour voir que c'est pas toujours sur cette ligne de crête, hein, un peu le pavé mosaïque de tout à l'heure, hein. Et dans le blanc de temps en temps, et puis dans le noir aussi. Bien sûr, c'est pas. Et puis, je pense que c'est terriblement compliqué tout ça, terriblement compliqué. Et voilà un petit peu notre position. J'en suis dans le même état d'esprit. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses à inventer. Sinon, Michaela va se faire opérer de l'épaule, elle souffre terriblement. Hein, elle souffre terriblement. C'est la vie devient chaque jour un petit peu plus compliquée pour elle parce que elle veut tout faire aussi. C'est pareil. Et elle a du mal à déléguer. Oui. Et derrière ça, elle a des douleurs matin, midi et soir. Quoi. C'est des cheminements qui portent atteinte à ça. Sa lucidité, si tu veux, des choses. Et ça tape sur le système. Ça lui tape sur le système. Et dans le couple, c'est pas toujours très très simple. Hein. Donc c'est pour ça que il faut que ça s'arrête et qu'elle se fasse opérer de l'épaule et que toutes ces douleurs-là, elle les laisse de côté. Quoi. Voilà. Donc, et elle va faire ça quand? Et elle fait ça le 16 juin. Ah ouais, d'accord. Elle fait ça le 16 juin. Et là, on est parti pour 6 semaines d'immobilisation. D'accord. Et puis 6 mois pour vraiment récupérer toutes ses facultés. Quoi. Donc, d'accord. C'est... Bon, c'est... mais il faut le faire. Et alors, du coup, on ne va pas aller à Quiberon. Si on va à Quiberon, ce n'est qu'à partir du mois d'août. Oui, hein, bien sûr. Hein, pour lui laisser les 6 semaines fonctionner et qu'elle récupère bien. Elle se fait opérer à Auray ? Elle se fait opérer à Rennes. Ah là là, À Auray, il n'y a plus rien. D'accord. Ça peut être Vannes, mais carrément à Rennes. C'est Rennes, à Vannes, il n'y a pas les bons chirurgiens, etc. Elle est conseillée par un médecin en qui elle a confiance, son médecin généraliste, et qui lui a conseillé et donné des noms de chirurgiens pour... Ouais. Voilà. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, on en est là, on fait face au quotidien. Ouais. Hein, mais il est temps que tout ça s'arrête. Et évolue dans le bon sens. Et... tout à fait. Tout à fait. Voilà, ma chérie, tu sais tout. Bon, écoute. Tu l'embrasseras mais je sais que vous communiquez là de temps en temps là, mais c'est bien. Oui. C'est très bien. Voilà, ma chérie, je vais te laisser. Je t'embrasse et à bientôt. Moi aussi, je t'embrasse et je te souhaite une bonne carrière et d'être une bonne mère pour tes enfants. Allez, au revoir ma chérie, je t'embrasse. Des gros bisous, au revoir. Et puis je t'aime, au revoir. Moi aussi, des gros bisous, au revoir.